Poil de carotte, les joues rouges. Son inspection habituelle terminée, monsieur le directeur de l'institution Saint-Marc quitte le dortoir. Chaque élève s'est glissé dans ses draps, comme dans un étui, en se faisant tout petit afin de ne pas se déborder. Le maître d'études, violonne, d'un tour de tête, s'assure que tout le monde est couché et, se haussant sur la pointe du pied, doucement baisse le gaz. Aussitôt, entre voisins, le caquetage commence. De chevet en chevet, les chuchotements se croisent et des lèvres en mouvement montent par tout le dortoir, un bruissement confus où, de temps en temps, se distingue le sifflement bref d'une consonne. C'est sourd, continu, agaçant à la fin, et il semble vraiment que tous ces babils, invisibles et remuants comme des souris, s'occupent à grignoter du silence. Violonne met des savates, se promène quelque temps entre les lits, chatouillant ça le pied d'un élève, là, tirant le pompon du bonnet d'un autre, et s'arrête près de Marceau, avec lequel il donne, tous les soirs, l'exemple des longues causeries prolongées bien avant dans la nuit. Le plus souvent, les élèves ont cessé leur conversation, par degrés étouffés, comme s'ils avaient peu à peu tiré leurs draps sur leur bouche, et dorment, que le maître d'études est encore penché sur le lit de Marceau, les coudes durement appuyés sur le fer, insensible à la paralysie de ses avant-bras et au remue-ménage des fourmis courant à fleur de peau jusqu'au bout de ses doigts. Il s'amuse de ses récits enfantins et le tient éveillé par d'intimes confidences et des histoires de cœur. Tout de suite, il la chérit pour la tendre et transparente enluminure de son visage qui paraît éclairée en dedans. Ce n'est plus une peau, mais une pulpe derrière laquelle, à la moindre variation atmosphérique, s'enchevêtrent visiblement les vénules, comme des lignes d'une carte d'atlas sous une feuille de papier à décalquer. Marceau a d'ailleurs une manière séduisante de rougir, sans savoir pourquoi, et à l'improviste, qui le fait aimer comme une fille. Souvent, un camarade pèse du bout du doigt sur l'une de ses joues et se retire avec brusquerie, laissant une tache blanche bientôt recouverte d'une belle coloration rouge, qui s'étend avec rapidité, comme du vin dans de l'eau pure, se varie richement et se nuance depuis le bout du nez rose jusqu'aux oreilles lilas. Chacun peut opérer soi-même. Marceau se prête complaisamment aux expériences. On l'a surnommée veilleuse, lanterne, joue rouge. Cette faculté de s'embraser à volonté lui fait bien des envieux. Poil de carotte, son voisin de lit, le jalouse entre tous. Pierrot lymphatique et grêle, au visage farineux, il pince vainement, à se faire mal, son épiderme exsangue, pour y amener quoi. Et encore, pas toujours, quelques points d'un goût douteux. Ils éboueraient volontiers haineusement, à coups d'ongles et écorceraient comme des oranges, les joues vermillonnées de Marceau. Depuis longtemps très intrigué, il se tient aux écoutes ce soir-là, dès la venue de Violonne, soupçonneux avec raison peut-être, et désireux de savoir la vérité sur les allures cachotières du maître d'études. Il met en jeu toute son habileté de petit espion, simule un ronflement pour rire, change avec affection de côté, en ayant soin de faire le tour complet, pousse un cri perçant comme s'il avait le cauchemar, ce qui réveille en peur le dortoir et imprime un fort mouvement de houle à tous les draps. Puis, dès que Violonne s'est éloignée, il dit à Marceau, le tort sort du nid, le souffle ardent. « Pistolet, pistolet !» On ne lui répond rien. Paul de Carotte se met sur les genoux, saisit le bras de Marceau et le secoue avec force. « Entends-tu ? Pistolet !» Pistolet ne semble pas entendre. Poil de carotte exaspéré reprend. « C'est du propre. Tu crois que je ne vous ai pas vu ? Dis voir un peu qu'il ne t'a pas embrassé. Dis-le voir un peu que tu n'es pas son pistolet. » Il se dresse, le col tendu, pareil à un jarre blanc qu'on agace, les poings fermés au bord du lit. Mais cette fois, on lui répond. « Eh bien, après ?» Un seul coup de rein, Poil de carotte rentre dans ses draps. C'est le maître d'études qui revient en scène, apparu soudainement. « Oui, dit Violonne, je l'ai embrassé, Marceau. Tu peux l'avouer, car tu n'as fait aucun mal. Je l'ai embrassé sur le front. Mais Poil de Carotte ne peut pas comprendre, déjà trop dépravé pour son âge, que c'est là un baiser pur et chaste, un baiser de père à enfant, et que je t'aime comme un fils, ou si tu veux comme un frère. Et demain, il ira répéter partout je ne sais quoi, petit imbécile. À ces mots, tandis que la voix de Violone vibre sourdement, Poil de Carotte feint de dormir. Toutefois, il soulève sa tête pour entendre encore. Marceau écoute le maître d'études, le souffle ténu, car tout en trouvant ses paroles très naturelles, il tremble comme s'il redoutait la révélation de quelque mystère. Violone continue, le plus bas qu'il peut. Ce sont des mots inarticulés, lointains, des syllabes à peine localisées. Poil de Carotte, qui, sans oser se retourner, se rapproche insensiblement, au moyen de légères oscillations de hanches, n'entend plus rien. Son attention est à ce point surexcitée que ses oreilles lui semblent matériellement se creuser et s'évaser en entonnoir, mais aucun son n'y tombe. Il se rappelle avoir éprouvé parfois une sensation d'effort pareil en écoutant aux portes, en collant son œil à la serrure, avec le désir d'agrandir le trou et d'attirer à lui, comme avec un crampon, ce qu'il voulait voir. Cependant, il le parierait. Violone répète encore. « Oui, mon affection est pure. Pure, et c'est ce que ce petit imbécile ne comprend pas. » Enfin, le maître d'études se penche avec la douceur d'une ombre sur le front de Marceau, l'embrasse, le caresse de sa barbiche comme d'un pinceau, puis se redresse pour s'en aller, et Poil de Carotte le suit des yeux, glissant entre les rangées des lits. Quand la main de Violone frôle un traversin, le dormeur dérangé change de côté avec un fort soupir. Poil de Carotte guette longtemps. Il craint un nouveau retour brusque de Violone. Déjà, Marceau fait la boule dans son lit, la couverture sur ses yeux, bien éveillé d'ailleurs, et tout au souvenir de l'aventure dont il ne sait que penser. Il n'y voit rien de vilain qui puisse se tourmenter. Et cependant, dans la nuit des draps, l'image de Violone flotte lumineusement, douce comme ces images de femmes qui l'ont échauffée en plus d'un rêve. Poil de Carotte se lasse d'attendre. Ses paupières, comme aimantées, se rapprochent. Il s'impose de fixer le gaz, presque éteint. Mais, après avoir compté trois éclosions de petites bulles crépitantes et pressé de sortir du bec, il s'endort. Le lendemain matin, au lavabo, tandis que les cornes des serviettes, trempées dans un peu d'eau froide, frottent légèrement les pommettes frileuses, Poil de Carotte regarde méchamment Marceau, et s'efforçant d'être bien féroce, il l'insulte de nouveau, les dents serrées sur les syllabes sifflantes. « Pistolet, pistolet !» Les joues de Marceau deviennent pourpres, mais il répond sans colère, et le regard presque suppliant. « Mais puisque je te dis que ce n'est pas vrai ce que tu crois !» Le maître d'études passe la visite des mains. Les élèves, sur deux rangs, offrent machinalement d'abord le dos, puis la paume de leurs mains, en les retournant avec rapidité, et les remettent aussitôt bien au chaud, dans les poches ou sous la tiédeur de l'édredon le plus proche. D'ordinaire, Violone s'abstient de les regarder. Cette fois, mal à propos, il trouve que celles de Poil de Carotte ne sont pas nettes. Poil de Carotte, prié de les repasser sous le robinet, se révolte. On peut, à vrai dire, y remarquer une tache bleuâtre, mais il soutient que c'est un commencement d'engelure. On lui en veut, sûrement. Violone doit le faire conduire chez monsieur le directeur. Celui-ci, matinal, prépare, dans son cabinet vieux vert, un cours d'histoire qu'il fait au grand, à ses moments perdus. Écrasant sur le tapis de sa table le bout de ses doigts épais, il pose les principaux jalons. Ici, la chute de l'Empire romain, au milieu, la prise de Constantinople par les Turcs, plus loin, l'histoire moderne, qui commence on ne sait où, et n'en finit plus. Il a une ample robe de chambre dont les galons brodés cerclent sa poitrine puissante, pareille à des cordages autour d'une colonne. Il mange visiblement trop, cet homme. Ses traits sont gros et toujours un peu luisants. Il parle fortement, même aux dames, et les plis de son cou ondulent sur le col d'une manière lente et rythmique. Il est encore remarquable pour la rondeur de ses yeux et l'épaisseur de ses moustaches. Poil de Carotte se tient debout devant lui, sa casquette entre les jambes, afin de garder toute sa liberté d'action. D'une voix terrible, le directeur demande. « Qu'est-ce que c'est ?»« Monsieur, c'est le maître d'études qui m'envoie vous dire que j'ai les mains sales. Mais c'est pas vrai !» Et de nouveau, consciencieusement, Poil de Carotte montre ses mains en les retournant, d'abord le dos, ensuite la paume. Il fait la preuve. D'abord la paume, ensuite le dos. « Ah, c'est pas vrai !» dit le directeur. « 4 jours de séquestre, mon petit !»« Monsieur !» dit Poil de Carotte. « Le maître d'études, il m'en veut. »« Ah, il t'en veut. 8 jours, mon petit. » Poil de Carotte connaît son homme. Une telle douceur ne le surprend point. Il est bien décidé à tout affronter. Il prend une pose raide, serre ses jambes et s'enhardit au mépris d'une gifle. Car c'est chez monsieur le directeur une innocente manie d'abattre, de temps en temps, un élève récalcitrant du revers de la main. Vlan! L'habileté pour les lèvres visées consiste à prévoir le coup et à se baisser, et le directeur se déséquilibre, au rire étouffé de tous. Mais il ne recommence pas, sa dignité l'empêchant d'user de ruse à son tour. Il devait arriver droit sur la joue choisie, ou alors ne se mêler de rien. « Monsieur, dit Poil de Carotte réellement audacieux et fier, le maître d'études et Marceau, ils font des choses. » Aussitôt, les yeux du directeur se troublent, comme si 2 moucherons s'y étaient précipités soudain. Il appuie ses 2 poings fermés au bord de la table, se lève à demi, la tête en avant, comme s'il allait cogner Poil de Carotte en pleine poitrine et demande par son guttural quelle chose ?» Poil de Carotte semble pris au dépourvu. Il espérait, peut-être que ce n'est que différé, l'envoi d'un tome massif de M. Henri Martin, par exemple, lancé d'une main à droite, et voilà qu'on lui demande des détails. Le directeur attend. Tous ses plis du cou se joignent pour ne former qu'un bourrelet unique, un épais rond de cuir où siège, de guingois, sa tête. Poil de Carotte hésite, le temps de se convaincre que les mots ne lui viennent pas, puis, la mine tout à coup confuse, le dos rond, l'attitude apparemment gauche et penaude, il va chercher sa casquette entre ses jambes, l'en retire aplatie, se courbe de plus en plus, se ratatine et l'élève doucement à hauteur du menton. Et lentement, sournoisement, avec des précautions pudiques, il enfouit sa tête simiesque dans la doublure ouatée, sans dire un mot. Le même jour, à la suite d'une courte enquête, Violonne reçoit son congé. C'est un touchant départ, presque une cérémonie. « Je reviendrai, » dit Violonne. « C'est une absence. » Mais il n'en fait à croire à personne. L'institution renouvelle son personnel comme si elle craignait pour lui la moisissure. C'est à va-et-vient le maître d'études. Celui-ci part comme les autres et, meilleur, il part plus vite. Presque tous l'aiment. On ne lui connaît pas d'égal dans l'art d'écrire des entêtes pour cahiers tels que cahier d'exercices grecs appartenant à... Les majuscules sont moulées comme des lettres d'enseigne. Les bancs se vident. On fait cercle autour de son bureau. Sa belle main, où brille la pierre verte d'une bague, se promène élégamment sur le papier. Au bas de la page, il improvise une signature. Elle tombe, comme une pierre dans l'eau, dans une ondulation et un remous de lignes à la fois régulières et capricieuses, qui forment le paraphe, un petit chef-d'œuvre. La queue du paraphe s'égare, se perd dans le paraphe lui-même. Il faut regarder de très près, chercher longtemps pour le retrouver. Inutile de dire que le tout est fait d'un seul trait de plume. Une fois, il a réussi un enchevêtrement de lignes nommé cul de lampe. Longuement, les petits s'émerveillèrent. Son renvoi les chagrine fort. Ils conviennent qu'ils devront bourdonner le directeur à la première occasion, c'est-à-dire enfler les joues et imiter avec les lèvres le vol des bourdons pour marquer leur mécontentement. Quelques jours, ils n'y manqueront pas. En attendant, ils s'attristent les uns les autres. Violonne, qui se sent regrettée, a la coquetterie de partir pendant une récréation. Quand il paraît dans la cour, suivi d'un garçon qui porte sa malle, tous les petits s'élancent. Il serre des mains, tapote des visages et s'efforce d'arracher les pans de sa redingote sans les déchirer. Cerné, envahi et souriant, ému. Les uns, suspendus à la barre fixe, s'arrête au milieu d'un renversement et saute à terre, la bouche ouverte, le front en sueur, leurs manches de chemise retroussées et les doigts écartés à cause de la colophane. D'autres, plus calmes, qui tournaient monotonement dans la cour, agitent les mains en signe d'adieu. Le garçon, courbé sous la malle, s'est arrêté afin de conserver ses distances, ce dont profite un tout petit pour plaquer sur son tablier blanc ses 5 doigts trempés dans du sable mouillé. Les joues de Marceau se sont rosées à paraître peintes. Il éprouve sa première peine de cœur sérieuse. Mais troublé et contraint de s'avouer qu'il regrette le maître d'études un peu comme une petite cousine, il se tient à l'écart, inquiet, presque honteux. Sans embarras, Violaine se dirige vers lui quand on entend un fracas de carreaux. Tous les regards montent vers la petite fenêtre grillée du séquestre. La vilaine et sauvage tête de poil de carotte paraît. Il grimace. Blême petite bête mauvaise en cage, les cheveux dans les yeux et ses dents blanches, tout à l'air. Il passe sa main droite entre les débris de la vitre qui le mord, comme animé, et il menace Violaine de son poing saignant. « Petit imbécile !» dit le maître d'études. « Te voilà content ?»« Dame !» crie Poil de Carotte, tandis qu'avec entrain, il casse d'un second coup de poing un autre carreau. « Pourquoi que vous l'embrassiez et que vous ne m'embrassiez pas, moi ?» Et il ajoute, se barbouillant la figure avec le sang qui coule de sa main coupée. « Moi aussi j'ai des joues rouges, quand j'en veux.